Comment dit-on pouvoir, le verbe pouvoir? Potere. Encore une fois, s'il vous plaît, en faisant attention à l'accentuation. Potere. Potere, oui, potere, pouvoir. Et comment dit-on je pourrais au futur? Potro. Très bien, potro, au lieu de potero. Potro, je pourrais. Et comment diriez-vous alors je pourrais le faire, toujours au futur? Potro farlo. C'est ça, potro farlo. Dites maintenant le contraire. Je ne pourrais pas le faire comme ça. Non potrò farlo così. Bien, non potrò farlo così. Vous allez traduire maintenant, il ne pourra pas le faire comme ça. Non potrà farlo così. Bien, non potrà farlo, il ne pourra pas le faire così, comme ça. Non potrà farlo così. Comment diriez-vous maintenant « nous ne pourrons pas le faire » ? Non potremo farlo. Voilà, non potremo farlo, non potremo farlo. Au futur, la terminaison qui correspond à « nous » c'est « remo ». R-E-M-O, remo. Et au conditionnel, c'est presque pareil, sauf qu'il y a deux « m » au lieu d'un seul. Ce n'est pas remo, mais remo. Donc, remo, futur, et remo, conditionnel. La seule différence, c'est un M en plus. C'est pourquoi il faut faire attention à bien faire la distinction à l'oral, pour éviter toute ambiguïté. Il faut bien prononcer les deux M du conditionnel. Remo. Donc, futur, remo. Et conditionnel, remo. Alors, maintenant, comment diriez-vous « nous pourrions le faire » ? Potremmo. Potremmo, potremmo, avec deux M. C'est ce que je viens d'expliquer sur la différence entre le futur et le conditionnel. Potremmo farlo. Potremmo farlo. Et comment dites-vous « nous ne pourrions pas le faire comme ça » ? Non potremmo farlo così? C'est ça. Non potremmo farlo così. Traduisez maintenant nous ne pourrons pas le faire comme ça. Nous ne pourrons pas au futur. Nous ne pourrons pas, oui, c'est ça. Non potremmo farlo così. Non potremmo, c'est nous ne pourrions pas. Je vous ai demandé nous ne pourrons pas. Non potremo farlo così. Bien, non potremo farlo così. Est-ce que c'est clair maintenant? Nous ne pourrons pas, non potremo. Mais nous ne pourrions pas, encore une fois? Non potremmo. Exact. Non potremmo farlo così. Nous ne pourrions pas le faire comme ça. Maintenant, vous allez dire « je pourrais venir avec vous ». Pourrais, futur. Potrò. Venir se dit. Venire. Avec vous. Con lei. Oui, con lei. Potrò venire con lei. Potrò venire con lei, oui. Mais je ne pourrai pas venir avec vous demain parce que je serai très occupée. C'est un homme qui parle. Ma... non potrò venire con lei. Demain? Domani. Domani, parce que je serai très occupé. Perché sarò molto occupato. Très bien. Alors, je ne pourrai pas venir avec vous demain. Non potrò venire con lei domani, parce que je serai très occupé. Perché sarò molto occupato. Ah tiens, comment diriez-vous? Je ne pourrai pas venir avec vous. Au conditionnel? Oui, c'est ça. Je ne pourrai pas venir avec vous. Non potrei. Oui. Venire con lei. Non potrei venire con lei, c'est ça. Et maintenant, vous allez traduire cette question. Pourriez-vous me dire quand vous pourrez le faire? Potrebbe. Répétez, s'il vous plaît. Potrebbe. Potrebbe, potrebbe. Il y a deux B au conditionnel. Potrebbe. D'accord. Potrebbe. Me dire. Dirmi. Bien. Potrebbe dirmi. Quand vous pourrez le faire? Quando. Vous pourrez le faire. Potra. Insistez sur la fin. Potra. Potra. Potra farlo. Bien. Alors, nous avons. Pourriez-vous me dire? Potrebbe dirmi. Quand vous pourrez le faire? Quando potrà farlo? Potrà. Vous pourrez. Potrà farlo. Vous pourrez le faire. Potrebbe dirmi quando potrà farlo?